L'information que tu as indiquée dans ton livre, je crois que tout a été dit. Réincarnation, processus de retour à la conscience biologique des mémoires du monde de la mort. Premièrement, pluralitaire, réincarnation de plusieurs mémoires mortes du monde des morts, donc des mémoires de plusieurs individus, toutes dans un seul et même corps. La fusion des personnalités réincarnatives se fait normalement pendant l'enfance et trouve son point culminant pendant l'adolescence. Fusionnel, réincarnation de plusieurs mémoires mortes du monde des morts fusionnées par amour dans ce monde. Et personnalisé, réincarnation unitaire provenant du double éthérique, seule forme de réincarnation où la conscience n'est pas perdue et où l'individu réincarné se souvient de ce qu'il a été. Ah, c'est bon, donc, c'est bon. Pourquoi tu as écrit un livre de même au lieu d'écrire des Bob Moran comme tout le monde? Parce que les Bob Moran avaient déjà été écrits. Les prochains. Est-ce que c'est... Ben, moi, je l'ai lu. Oui. J'ai aimé ça. Mais ce que je me suis demandé en lisant, c'est est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce qu'il faut le relire? Est-ce que tout le monde doit relire tout le monde, cinq non, fois non, la page? Non, il faut qu'une personne puisse au moins lire le français. Oui, ça, je suis sûr. C'est pas accessible à tout le monde. Ça s'adresse à tous les individus qui, un jour, ont acheté plus de 10 livres relativement à la psychologie, à la spiritualité ou à l'évolution ou à l'ésotérisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu achètes une certaine quantité de livres dans ce domaine-là, ou encore que tu... Ça s'adresse à toutes les personnes qui ont assisté à plus que 10 conférences de n'importe quel conférencier dans le domaine de l'évolution. Pourquoi? Parce que, bon, le livre, certaines personnes trouvent qu'il est un petit peu cher. Juste le produit pour qu'il se tienne debout un peu au niveau de la qualité de la reliure, etc., ça coûte quand même assez cher. Mais l'idée aussi, c'est que une personne peut acheter 5, 10, 15, 20, 30 livres, 40 livres, puis au cours d'un an ou deux ans, peut en acheter plusieurs. Le total en termes financiers, c'est 2, 3, 4, 500 $. Plus le temps que ça prend pour le lire, plus finalement le fait que les explications ne sont que traditionnelles. Ce livre-là ici, ce ne sont pas les explications traditionnelles. On part dans la majorité des cas de la tradition et on vient cimenter la science, la théologie, la psychologie. Enfin, on vient expliquer plusieurs choses. Et le livre est un livre qui permet à l'individu de s'élaborer lui-même un paquet de solutions à partir d'une compréhension beaucoup plus terre-à-terre de la majorité des mécanismes d'évolution qu'on connaît jusqu'à date. Donc, c'est pas un livre qui, comme la cosmogonie d'Urantia, s'adresse à personne. Tu le lis, mais tu comprends rien, puis tu fais rien avec ça. C'est un livre qui, évidemment, amène que du neuf, d'une façon assez rapide. C'est évident, quand tu dis qu'il faut qu'on lise une page 4-5 fois, bien, on a le choix. J'aurais pu écrire un livre de 300 pages, possiblement, sur chacune des pages de ce livre-là. Alors, j'ai simplement condensé, mais d'une façon suffisamment claire pour qu'une personne qui le lit attentivement, bien, elle peut comprendre beaucoup de choses. Il y a même des schémas puis des dessins, donc on arrive quand même à visualiser des choses. C'est un livre qui se comprend bien, mais au lieu d'en acheter 45 pour tous les lire au complet, bien, tu peux en acheter un ou deux au moment donné, puis trouver dedans ce que tu as besoin. Quelqu'un qui n'aurait pas déjà fait son séminaire, est-ce qu'il devrait lire le livre avant ou après? Oh, ça ne dérange pas du tout, tu le lis avant, il n'y a pas de problème. Le séminaire, évidemment, si la personne le lit avant de faire son séminaire, lorsqu'elle arrive au séminaire, les questions qu'elle pose, les questions qui sont en avant du livre, donc cela va lui servir, moi je vais répondre. Si elle lit le livre après, eh bien ça va nécessairement complémentariser énormément de choses qu'elle a vues dans le séminaire ou qu'elle a vues simplement au niveau de sa vie. Le tome 1, c'est la naissance de l'univers humain, c'est-à-dire que j'explique ce que l'humain souvent se pose comme question, bon, d'où on vient? D'où viennent les religions, qu'est-ce que c'est les dieux, on parle de manipulation, donc on a la naissance de la personnalité, on a la naissance de l'ego, la naissance des langues, des mots et des noms. C'est important les noms, parce que si on a des noms, il y a une raison là-dessus pour les manipuler par ces noms-là. La naissance de l'intelligence, la naissance des dieux, la naissance des égrégores, la naissance de la mort, la naissance du monde de la mort. Et il y a toute donc une panoplie de choses. Le tome 2, c'est la vie de ces mécanismes-là. Le tome 3, c'est la finalité. Donc, de la naissance à la mort. Alors, le livre s'adresse à n'importe qui, mais nécessairement aux individus qui, à un moment donné, ont eu suffisamment de volonté de changer ou de comprendre pour se payer certains livres ou certaines conférences ou certains films, en tout cas, de ceux qui font déjà une démarche. Le livre s'adresse à eux, mais évidemment, c'est pas un livre dans le genre bon, vous êtes beau, puis en 300 pages, pourquoi? Tu sais, c'est pas tout à fait ça. Si je dis vous êtes beau, je l'ai dit une fois, c'est assez. Maintenant, on passe à d'autres choses. Alors, le livre est un livre qui, effectivement, fonctionne, permet à n'importe qui de pouvoir le lire. Quoique, de temps en temps, peut-être qu'une personne devra soit se fier à ce qui est écrit dans le livre, soit aller fouiller dans quelques encyclopédies pour pouvoir me suivre. Sinon, bien, ça va. Si je dis, par exemple, qu'une molécule d'H2O ne peut pas prendre de telle ou telle forme, à cause de l'énergie vitale, ce que j'explique, c'est l'énergie vitale qui permet la création du corps physique dans lequel va s'installer l'âme. Bon, je donne une explication qui est scientifique. Si tu es un physicien, bien, tu sauras que j'ai raison dans ce que j'explique là. Il faudra maintenant que tu vois le reste. Sinon, c'est pas nécessaire d'aller fouiller partout, mais ça donne une bonne idée. Le livre change radicalement la vision de bien des choses, puis pas d'une façon douloureuse. Ce que tu sais, c'est ça. Puis tout ce qui fait que c'est là que ce que tu sais pas, peut-être que le livre peut te l'amener. Alors, c'est un livre qui ne détruit pas, qui rassemble bien les choses, puis qui avance, évidemment, qui va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on a été jusqu'à date. Alors, c'est pas des conférences qu'on peut résumer. Il y a beaucoup d'auteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur cassette puis ils mettent en livre. Non. Tout non. Ce qui n'a pas été dit, je l'ai écrit. Est-ce que tu es en train de prendre le livre et le mettre en cassette? Tu fais ça, toi, oui. C'est ce que tu avais à faire, là. Toujours marcher en vert. Tu ferais que je le lise, quand tu vas être vieux, tu vas en le temps. Grâce à l'approche mémifique, le corps a réussi à reproduire de façon consciente plusieurs patterns, agencements ou archétypes émotionnels sans transfert ou transport de l'émotion elle-même, le tout étant relié à une localisation de tension musculaire, de tension respiratoire, allié à un apport d'oxygène plus ou moins élevé. Est-ce cela sécrété sans sécrété? Non. La personne, ce qu'elle est en train de faire là, c'est extrêmement génial qu'elle parvienne à ça. Ce qu'elle fait présentement, elle est en train de purifier son corps physique. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'explique dans le livre. Ça veut dire que l'émotion s'exprime par le système endocrinien. Il n'y a pas un être humain sur la planète qui est capable de savoir qu'il a peur, qu'il est colérique, s'il n'y a pas une réaction corporelle. La réaction, elle est soit sympathique, parasympathique ou endocrinienne, dans les mimétiques. Elle copie le système sympathique, qui est un système qui va faire qu'il va y avoir une accélération cardiaque ou un ralentissement cardiaque, une sécrétion, une transpiration, une accélération de la digestion, un ralentissement de la digestion, etc. Bon. Ce qui arrive, c'est que, étant donné que les émotions sont exprimées par le système endocrinien, puis de temps en temps par le système exocrinien, les larmes par exemple, quand il y a trop d'énergie, trop de phénomènes émotifs, dans le système endocrinien, les cellules vont sécréter, il y a des glandes qui vont sécréter des hormones, ces hormones-là sont véhiculées par le sang et vont faire réagir le corps physique dans des endroits particuliers. Et nous, prenant conscience de ce qui se passe, l'ego sait qu'il exprime une émotion, une bonne ou mauvaise. L'affaire qu'il y a, c'est que la majorité de ces hormones-là ne sont pas immédiatement détruites dans le corps physique, ce qui fait que de temps en temps, par sécrétion, on sécrète une dose trop élevée d'hormones, et les hormones vont être stockées au niveau des muscles, entre autres, et même au niveau du cerveau. Ce qui va arriver, c'est que lorsqu'une personne suit un jeûne, elle va maigrir, maigrissant, elle devient plus irritable, plus colérique, plus impatiente, plus bon. Vu qu'elle fait fondre ses graisses, les hormones se fixent dans les graisses, dans les muscles, dans le cerveau. Vu qu'elle fait fondre ses graisses, c'est surtout dans les gras qu'on va ramasser. Faisant fondre ses graisses, elle relibère dans le sang des hormones. Et comme les hormones sont libérées, eh bien, les hormones vont réagir dans le corps physique. Et subitement, par exemple, elle fait un jeûne. Et là, elle a peur. Elle n'a pas peur. Mais vu qu'il y a les hormones de la peur qui ont été, à un moment donné, fixées, ce ne sont pas les hormones de la peur, mais les hormones qui sont sécrétées dans certaines doses et dans certaines qualités lorsqu'il y a l'expression de la peur, sont relibérées dans le sang. Le corps physique réagit comme s'il y avait la peur. Comme l'ego se fie au corps pour savoir comment qu'il vit, mais là, l'ego, il se dit « crime, j'ai peur ». Puis là, l'ego, il comprend pas parce qu'il n'y a rien pour qu'il ait peur, mais il a peur. Ou il est colérique, ou il est impatient, ou il est déprimé, ou etc. Dans la manifestation, la personne, ce qu'elle fait présentement, c'est qu'elle est rendue à un point tel où, en localisation mentale, elle est capable de faire en sorte que qu'il y a une purification corporelle. C'est pourquoi d'ailleurs les Indiens et puis plusieurs écoles traditionnelles vont privilégier le jeûne et la transpiration, les tentes à sueur, avant de méditer ou avant, comme les sorcières, c'est ce qu'elles faisaient, elles jeûnaient puis elles transpiraient énormément avant de pouvoir entreprendre le travail initiatique parce qu'elles devaient éliminer une grande quantité d'hormones qui viendraient jouer un jeu dangereux lorsque tu n'as pas besoin d'avoir peur, puis subitement c'est libéré, ton corps a peur, l'ego se met à avoir peur, la partie de l'ego qui se nourrit de peur arrive, ton mental est pogné avec la peur alors qu'il n'y a pas de raison. Si en jeûnant et en transpirant, tu vis déjà, tu élimines ça, tu purifies ton corps, lorsque tu commences ton travail initiatique, bien, ça ne risque pas d'arriver, pas par le corps physique. Ça peut arriver par l'âme, mais ça, si on la contrôle, c'est que ça va bien. Si tu contrôles ce qui s'exprime au niveau de ton émotivité, puis le corps physique, il commence à relâcher des mémoires là-dedans, ça fait avoir. La personne, ce qu'elle vit présentement, c'est qu'en manifestant convenablement, elle arrive à déloger des mémoires, donc des hormones qui ont été stockées à des places. Étant délogée, celle-ci se promène et là, elle vit des choses, comme elle explique là, même si elle ne sécrète pas. Donc, est-ce que c'est ça, sécréter sans sécréter? Oui. En réalité, c'est qu'elle va éliminer progressivement les hormones qui ont été stockées. Et ça, c'est un avantage qui est indéniable au niveau de l'évolution. Il y a une deuxième question que je ne t'ai pas posée après celle-là. Posez-la. La même fixation devient-elle alors la clé de contrôle de tout transport émotionnel à travers le corps physique? Ça, c'est évident. Ceci mène-t-il au rajeunissement du corps? C'est évident aussi. Menfi veut dire mental contrôlant le physique. Et plus le mental contrôle la force physique, moins l'émotivité a la capacité de s'exprimer de n'importe quelle façon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez quelque chose de beau, si ça vous plaît que ça s'exprime, ça va s'exprimer. Quand vous voyez quelque chose de laid, si ça ne vous plaît pas que ça s'exprime chez vous, bien, la partie qui fait partie de l'âme qu'on va rejeter, elle ne s'exprimera pas. Vous savez, la problématique de la réincarnation, d'évolution, c'est que l'être humain doit être capable... On est un ordinateur, on a un ordinateur et le corps physique, et le corps physique est relié par un fil, le canal réincarnationnel, à une mémoire d'un grand système de conservation de la mémoire, qui est le monde de la mort, le ciel. Mais on doit se créer progressivement un lecteur de disquettes. On doit progressivement, à même l'ordinateur, créer un lecteur et mettre une disquette là-dedans. Et là, au long de notre vie, on va sauver sur la disquette uniquement ce qui nous plaît, ce qui plaît à l'intelligence, mais bref, ce qui vous plaît. On va sauver sur la disquette uniquement cela. Donc, on crée le double éthérique qu'on va remplir uniquement de mémoire expérientielle de contact entre l'intelligence et le corps physique, nous. Et on va sauver ça. Là, si on coupe l'ordinateur, bien, dans le monde de la mort, il reste notre expérience, notre passage, ce qui va aider à d'autres êtres humains à se créer un lecteur de disquette, parce qu'il y aura la mémoire de la création du lecteur de disquette dans le monde de la mort. Mais nous, on va se sauver, on va s'en aller sur le lecteur de disquette. Alors, même s'il y a un mimétisme, une copie dans le monde de la mort, on s'en balance, on va se réincarner plus réalitairement, c'est pas grave. Puis nous, la disquette au complet, bien, l'intelligence va être capable, à un moment donné, de prendre le lecteur, de le relier à un autre corps physique. Puis là, l'information de la disquette va rentrer dedans. Le double éthérique, c'est le lecteur de disquette. La façon de le créer, c'est la négoïsation. Ça revient à ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est de cesser de voir la vie comme étant une problématique. C'est une problématique uniquement parce qu'on résiste. Bon. De cesser de voir aussi que ce qui nous habite, qui semble nous créer des problèmes, de cesser de conscientiser, de penser que c'est nous. C'est chez nous. Soit, ça fait que je me suis cassé deux fois le poignet en tapant sur les murs parce que j'étais en colère. C'est évident. Ça fait que j'étais encore à l'hôpital. Ça fait que le corps physique est à l'hôpital. Vu que j'habite le maudit corps physique, j'étais à l'hôpital avec le corps physique, c'est évident. Mais c'est le cas avant dedans qui m'a amené là. Ça, on comprend. Et présentement, que voulez-vous faire d'autre? Vous êtes à l'hôpital, puis non seulement vous devez vous arranger pour ne pas vous culpabiliser, vous devez vous arranger tant qu'à être à l'hôpital pour bien instruire le cas. T'aimes ça être à l'hôpital? T'es à l'hôpital, ça t'apprendra d'être en colère. Parlez-lui. En plus, on s'énergise, ce qui fait que progressivement, on va non seulement, au lieu d'absorber la frustration du colérique qui est maintenant à l'hôpital avec le bras dans le plâtre, tu prends son énergie pour la transformer en intelligentiation. Lentement, on le détruit. Progressivement, vous ne serez plus l'hôpital, vous ne serez plus colérique, on n'aura plus ce genre de problème. Sauf que parce que je suis à l'hôpital, parce que j'étais en colère, puis je me suis cassé le poignet, mais là, je me mets en colère contre ma colère. Alors, doublement récupéré, je m'en rends pas compte, mais là, la colère, elle se nourrit deux fois plus. Bon, je suis honteux parce que je suis jaloux. Mais c'est juste les parties que je ne veux pas que ce soit moi qui se nourrisse pendant toute ma vie. Et moi, chaque fois que je me dis crime, je devrais pas être en colère, je devrais pas avoir peur. Mais maudit, tu veux pas. Chaque fois que je me conscientise, je m'en sers pour nourrir la partie qui est pour moi. Alors, à un moment donné, il faut que ça bloque, il faut que cette roue-là cesse. C'est une roue de traditionnaliste qui fait que, tu sais, bon, karma, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. C'est extrêmement intéressant pour ceux qui veulent vivre du mérite. Bon, j'ai eu peur toute ma vie, mais j'étais courageux. Ah, ben, moi, c'est drôle, moi, j'ai jamais eu peur de ma vie, j'ai jamais été courageux. On est passé à la même place, tous les deux. Moi avec le sourire, toi avec le gros contrôle. Mais c'est sûr, moi je mérite rien, moi je suis pas un maître, moi je suis pas ci, je suis pas ça, mais je veux pas être un maître, je veux pas rien, mais moi je m'en vais là-bas, moi puis c'est plaisant. Tandis que l'autre, quand il arrive là-bas, ça va, c'est génial, là, c'est parfait. Lui il mérite, moi je ne mérite pas. Méritoire du point de vue de la vision de l'humain. Mais moi j'ai tout, puis lui il doit tout gagner. Mais c'est sa façon de vouloir fonctionner à travers les événements. La réincarnation, c'est la même chose. Certaines personnes peuvent travailler pour gagner l'immortalité, alors que d'autres peuvent que se contenter de devenir immortel. Comment on le fait? Je parle d'immortalité de conscience pour l'instant. Le corps physique, je serais d'accord d'avoir un corps immortel quand mon corps sera parfait. Pour l'instant, si je peux le perfectionner, tant mieux. On est à quelques cheveux de ça. Ouais, dans un an et demi, là, c'est une prophétie. Quelle est la différence d'une voyante d'un médium? Mais la voyante est la voix du médium et immédiat. Une voyante sous féminin, un médium sous masculin. Médium, c'est un terme qui signifie partie entre deux. Bon. Un médium, c'est comme un médiocre communication, c'est un médium. C'est quelque chose qui permet la réunion de celui qui écoute avec celui qui parle. C'est le médium. Donc, normalement, un médium travaille avec le monde de la mort et pourra servir de voix, comme une radio, de voix de communication d'un défunt à celui qui écoute. C'est le médium. La voyante, elle, par contre, elle a de la clairvoyance, c'est-à-dire qu'elle est capable de voir au-delà de ce que normalement l'humain voit, voyant ou voyant. C'est aussi clairaudience. Alors, la voyante, par définition, veut dire capable de voir dans l'astral, mais elle voit, et ce qu'elle voit, elle le communique. Alors que le médium, il ne voit rien, il se branche, puis on parle, lui, on communique. C'est la différence. C'est aller au parleur. Parfois, lorsque je m'emphyse, on dirait que toutes les cellules de mon corps sont en révolte, ce qui fait très mal et ce qui engendre même dans le corps de secousses très violentes. Elles ne veulent pas même physique. Qu'est-ce qui cause ce phénomène? Puis-je alors continuer sans danger? Bon, les dangers au niveau de la manifestation, il n'y en a pas. Ce qui cause ce problème, simplement, c'est que sans doute beaucoup de parties de l'ego qui, contrôleurs du corps présentement, s'arrangent pour bloquer le contrôle mental du corps, donc la manifestation, de façon à ce que la personne finisse par avoir suffisamment d'inhibition au niveau de son ego pour qu'elle cesse de manifester. Présentement, c'est comme si tu dis, bon, mais je vais me relaxer. Prenez une personne qui est un petit peu active et vous lui dites, bon, ben là, au lieu de commencer votre cours de mathématiques, vous allez vous coucher à terre, vous allez relaxer. Mais vous allez en énerver, maudit paquet. Bon. Là, ils sont couchés à terre, là, ça fait 5 minutes qu'ils relaxent, là, tu sais, là, on pourrait aller faire quelque chose d'autre, là. Les pieds commencent à te bouger, la jambe te promène, là, tu sais. Les yeux s'ouvrent, là. Fermez vos yeux, tu sais. Il était bon. Est-ce que c'est dangereux? Non. C'est que chez lui, il y a une partie mémorielle, une partie de l'âme, qui ne veut mais absolument pas que le mental prenne le dessus. Pourquoi? Parce qu'elle va perdre une partie de son contrôle. Elle va être bien mieux, par exemple, mais elle ne le sait pas, elle n'a pas expérimenté encore la relaxation. Donc, elle ne le sait pas. Tout ce qu'elle vise, ne pas perdre le contrôle. Ça va être mieux, mais elle ne le sait pas. Dans la manifestation, c'est la même chose. Il va venir un moment donné où les cellules, premièrement, les cellules ont une génétique. La génétique, c'est là-dedans, c'est le foyer central des réincarnations des lignées familiales. Et 30 millions d'individus sont au niveau des cellules. C'est d'ailleurs pourquoi un individu peut évoluer de certaines façons, mais plus il vieillit, plus ses parents, enfin, plus il devient stéréotypé, parce que les mémoires des parents l'attendent d'âge en âge pour le récupérer. Au niveau des cellules, c'est surtout là qu'on a la réincarnation des lignées familiales, par la génétique. Parce que votre mental veut prendre le dessus, votre mental veut se désassujettir. À un moment donné, une personne qui menfise globalement, totalement, va finir même par cellulariser sa menfisation. Cela veut dire qu'elle va transformer suffisamment de parties de son code génétique pour qu'elle ne soit plus rattachée à ses parents. De ce fait, elle vient de se mettre au monde. C'est-à-dire que son père et sa mère, c'est elle. Si on cherche génétiquement dans des lignées sa planète, on ne trouve pas d'humain qui aurait pu l'engendrer. Ah, elle a un nez, etc. Mais du point de vue des pathologies, sa famille, son cardiaque, elle ne l'est pas, etc. La menfisation, c'est la reprise ou la prise du contrôle du mental, donc de l'intelligence, du corps physique, au détriment, ça va de soi, d'une partie de l'âme qui contrôle le corps physique, mais qui l'envoie toujours à la maladie, à la vieillesse, pas à la mort. Alors, il y a une lutte. Est-ce que l'individu qui a ressenti la haine de Dieu lors d'une connexion avec l'énergie mal synchronisée va être à son tour sauvé et est-il immortel en partie lors de sa prochaine réincarnation? Il va s'en rappeler. Est-ce que les MTS ou SIDA, c'est ça? Bon, MTS, martyr de la transition supramentale, là, puis SIDA, c'est les sinistres individus dominés par l'astral. Bon, hein, pour juste comprendre le langage. Je pensais que les MTS, c'était les maladies transmises le soir. C'est ça. Bon. SIDA, c'est si Daniel veut en parler. Est-ce que l'individu qui a ressenti la haine de Dieu lors d'une connexion avec l'énergie, mal synchronisée, quand on parle de haine de Dieu, c'est pas nécessairement que tu sens que Dieu t'haït, là, mais c'est qu'il exprime la haine. C'est l'intelligence communiquant avec le corps physique, reliée elle est à la mémoire de l'événement qui s'exprime, puis c'est quelque chose qui est inécologique, inajusté. Bon, va être à son tour sauvé. C'est ça qui est le problème, c'est que tout ce qui pourrait sauver l'homme n'a pas suffisamment de contact avec l'humain pour le sauver. Bon. Exactement comme s'il y a un vaisseau spatial qui arrive quelque part, là, mais vous devez monter dans un arbre si vous voulez arriver dessus, il ne peut pas descendre plus bas. La répulsion planétaire leur pousse en haut, ils restent là. Fait que là, tu es là, puis tu attends qu'ils viennent te sauver, puis tu te dis, maudit, pourquoi qu'avec leur technologie, puis pourquoi que si, pourquoi que ça, puis là, tes haïs montent dans l'arbre. Bien, il y a une corde qui descend, là, puis la corde, on devrait avoir un escalier mobile, la téléportation, tu sais, je sais pas, quelque chose. Alors, l'intelligence, elle descend jusqu'à un certain point, puis si elle descend au niveau, comme je le dis souvent, si l'intelligence descend au niveau d'un chien, pour dire au chien ce qu'il doit faire, bien, l'intelligence, à ce niveau-là, aboie. Alors, le chien ne comprend pas plus. Si l'intelligence descend au niveau d'un chevreuil, bien, elle va chevreuiliser, hein? Donc, l'intelligence descend au niveau d'un humain, puis là, elle communique avec l'humain, sauf qu'elle est rendue à ce niveau-là, elle a la même vibration que l'humain. L'expérience de la souffrance de l'homme dans ses mémoires, sous contexte planétaire, développe quelque chose d'autre qui est le mental, qui devient un logiférateur, qui va essayer de rendre logique les événements, et lentement, on va intelligencer, voir l'intelligence sous-jacente aux choses, et parce que ça se développe souvent par l'écœurement, bien, ça fait qu'on lève une espèce d'antenne, c'est-à-dire qu'on est capable de réfléchir à un autre niveau. Et là, l'intelligence qui arrive à ce niveau-là commence à rentrer un peu mieux, c'est moins coloré, et progressivement, bien là, ça fait que le contact va s'établir convenablement. Être sauvé, ce qui descend a besoin d'être sauvé par l'homme, puis ce qui monte, l'homme, a besoin d'être sauvé par ce qui descend. Alors, c'est donc une relation qui est extrêmement équitable, c'est un travail qui se fait dans les deux sens. Bon, être sauvé, et est-il immortel en partie lors de sa prochaine réincarnation? L'immortalisation de la conscience lucide se fait uniquement lorsque l'humain devient un égoïque. On appelait ça humble avant, mais l'humilité est devenue une vertu, puis une vertu, c'est quelque chose que l'on connaît. Je suis humble, et je m'en vante. Hein? Moi, je parle d'anégoïsation, qui est la fonte de l'ego. L'anégoïsation, l'énergie de l'ego, lorsqu'il y a anégoïsation, est celle qui crée le double éthérique. Il y a immortalisation. Lorsqu'une personne est au minimum capable d'accepter des choses neuves. Je ne parle pas de traditions remâchées, je parle de choses neuves. Lorsqu'une personne de temps en temps se pose des questions neuves ou ne se contente plus des réponses traditionnelles, elle est déjà en train de bâtir son doux métérique. Elle reste encore colérique, elle reste encore frustrable, elle reste... Ça n'a rien à voir, parce que ce qui va arriver à un moment donné, c'est que toutes les parties qui ne sont pas éthérisables, les parties qui sont mortelles, bon, la colère, etc., traditionnelles, ces parties-là, à un moment donné, il faudrait que je crée des hologrammes, ça va permettre de comprendre les choses. Il faut que c'est... Bon, alors il y a mon point ici, il y a mon petit doigt qui traverse. Mon petit doigt, là, c'est la partie qui est convenable. Tout le reste, c'est la partie que je n'aime pas. Alors, ce qui arrive, c'est que lorsqu'il y aura mortalité physique, mon petit doigt, lui, va gagner le double éthérique que j'ai commencé à créer, et tout le reste au complet gagne le monde de la mort. Donc, on va dire, une partie de vous allez mourir, l'autre partie ne mourra pas. Mais la partie de vous que vous haïssez, celle-là, elle va mourir. Puis la partie de nous, donc de vous, qui accepte le neuf, qui recherche l'intelligentiation, qui fuit l'involution, mais cette partie-là, elle gagne le double éthérique. C'est un petit double éthérique. C'est évident que lorsqu'elle va se réincarner, il y a des fortes chances qu'elle soit totalement entourée de réincarnation du monde de la mort. Donc, elle va avoir l'essence, certaines personnes ont déjà vécu ça ici, elle aura toujours l'impression d'être sûre qu'elle est quelque chose, puis en même temps, elle est entourée de tellement de phénomènes qu'elle n'arrive pas à se situer convenablement. On ne doit pas perdre du temps de sa vie à essayer de se trouver. On doit plutôt se faire à la place. Bon, ça y est, je suis un camionneur, mais maintenant, je le sais. Ah, fait que maintenant, je peux continuer mes études en médecine. Ben voyons donc. À quoi ça te servait de savoir que tu es camionneur, vu que tu étudies en médecine? Étudiant en médecine, deviendront médecin, puis laisse faire le camionneur. C'est pas que c'est mauvais, c'est une perte de temps. Tu as passé 3 ans d'études de médecine à chercher qui tu étais. Maintenant, tu sais que tu es camionneur, là, ça va bien. Mais maintenant, on retourne en médecine, confond, on s'en va aider en quatrième, tu sais. Lorsque l'être humain commence à se conscientiser, nécessairement, il commence à créer un double éthérique. Bon, il y a un ajusteur de pensée qui commence à être opérationnel, qui commence à fonctionner. Lorsque la personne qui commence à créer un double éthérique meurt, tout ce qui n'est pas dans le double éthérique, bref, tout ce qui n'a pas été sauvé sur la disquette, gagne le monde de la mort, et ça, on en reparlera par plusieurs bouches plus tard. Le petit double éthérique qui est créé risque, ce n'est pas dangereux, risque de s'associer à d'autres petits doubles éthériques pour se réincarner la gang ensemble quelque part. L'avantage que ça donne, et là c'est la deuxième forme de réincarnation que je parle dans le livre, l'avantage que ça donne évidemment, c'est que tu, au lieu d'être entouré d'un paquet de mémoires qui finalement ne comprennent rien à l'évolution, tu vas t'associer à d'autres individus, à d'autres doubles éthériques petits, qui sont en affinité telle que ça ne te dérange absolument pas d'être associé à eux. Donc c'est pas une question de problématique, ça ne te dérangera pas du tout. Les parties dans le double éthérique qui ont été sauvées envoient l'intelligence. Bon. Mais s'il y a 4-5 doubles éthériques qui se ramassent ensemble dans un corps, est-ce que les 4-5 vont se rappeler qui étaient? Puis il y en a un qui va être Jean-Marc, puis l'autre Jean-Paul, puis l'autre Arthur. Jean-Paul, Arthur, c'est pas 5. Ouais, c'est ça, c'est pas 5. Non. Ça va créer Wilfred. OK. Mais là encore, là, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas grave. Je répète souvent que vous avez déjà eu 20 ans, j'ai déjà eu 12 ans, puis à 13 ans, l'enfant de 12 ans n'était plus là. Mais l'enfant de 12 ans est toujours là. Mais est-ce qu'il se dit, ouais, mais c'est plus moi qui contrôle? Non, non, on continue comme ça de jour en jour, on en ramasse. Et puis, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème, parce que il y a des mondes parallèles, chaque personne va être contrôleur, mais chaque personne aura l'impression d'être le seul dans le lot. Alors, c'est des affaires qui sont un petit peu complexes à expliquer. Alors bref, sauver, non, et puis se réincarner, est-ce qu'ils vont se réincarner unitairement? Bon, les MTS sont les individus qui, présentement, nourrissent le monde de la mort de façon à préparer des barrières pour inhiber les parties astrales qui refusent le neuf. Ils, à un moment donné, auront tellement peur du vieux qu'ils vont se diriger vers le neuf. C'est le rôle des martyrs de la transition supramentale. La quantité de martyrs de la transition supramentale est... disons, délimitée, elle est approximativement complètement atteinte. Puis une personne, par exemple, qui m'écoute, qui dirait, ben peut-être que moi, j'en suis un MTS, afin de se poser la question, c'en est pas un. Parce qu'un martyr de la transition supramentale a trop d'orgueil, il se pose jamais la question. Il dit, peut-être t'en es un MTS, ça se peut. Mais il dirait jamais, peut-être j'en suis un. Il y a quelqu'un qui m'entend et dit « Ah ben, crime, j'ai déjà dit ça, peut-être t'en étais un, peut-être j'en suis un, bon. » T'en es pas un, tu poses la question. OK, c'est bien simple. C'est extrêmement facile. Une autre question facile. Pourquoi doit-on exister? La question ne se pose pas comme ça. Pas pourquoi doit-on exister, pourquoi existe-t-on? Parce qu'on ne peut pas poser la question « Pourquoi doit-on » quand on n'a pas le choix. Pourquoi existe-t-on? On n'a pas le choix non plus. On n'a pas le choix, c'est évident. Mais tant qu'à poser la question, pourquoi doit-on exister? J'ai déjà donné des réponses. J'en donne, bon, plus au niveau séminaire, au niveau conférence spéciale. Pourquoi? Parce qu'émotivement, les individus ont souvent plus de d'informations, puis ça passe mieux. La religion dit qu'on est là pour retourner vers Dieu. C'est intéressant. Moi, ça m'a plu jusqu'à l'âge d'un an et demi. Bon, Dieu nous avait créés pour qu'on vienne à lui. Pourquoi il ne m'a pas créé dans sa poche? Je t'ai rendu. Mais si on prend la tradition, si on prend tout ce que Dieu a été dit, puis qu'on essaie de cesser de le comprendre comme l'humain a toujours compris. Alors, on va fouiller dans l'Orient, puis là, on se rend compte qu'on dit on doit retourner vers le centre source. Alors, c'est facile de dire, bien, le centre-source, ben, c'est ça, c'est Dieu. Oui, mais quand on change les mots, on amène sans doute aussi d'autres informations. Les deux sont peut-être vrais, mais de dire que c'est la même chose, on perd la chance d'avoir de l'information différente, donc neuve. Retourner vers Dieu, ça peut me plaire. Retourner vers le centre-source, lequel des deux? Dieu, ça, le centre-source, c'est pareil? Peut-être, mais ça dit deux choses. Retourner vers le centre-source, c'est ce que ça veut dire retourner en plein centre du Big Bang. En plein centre de ce qui un jour a engendré la création. Centre-source. C'est un centre d'où vient le reste, la source. On dit aussi qu'avant la création de Dieu, il y avait le chaos, il n'y avait rien. Autrement dit, il n'y avait rien que l'humain pouvait comprendre, le chaos. Hein? Dieu, retourner vers Dieu, ça veut dire que si je suis Dieu, je ne fais plus partie de la création. Alors finalement, on peut aller plus loin, puis moi je m'amuse toujours à aller un petit peu plus loin, où je peux résumer brièvement, violemment, là, que le rôle de l'homme, c'est de détruire l'univers. Et par la suite, si, au lieu de le dire d'une façon fracassante, je dis que le rôle de l'homme, c'est de résorber la création. Si on résorbe la création par nos mémoires, si on est capable, à travers l'évolution du temps, de conserver en mémoire génétique et en mémoire astrale par le monde de la mort, tout le passé, on ramasse le temps. Autrement dit, on est une espèce de droite éternelle où le passé n'existe plus, puis ça commence où nous sommes avec un avenir en avant. Et le temps étant une quantité d'espace, il est limité par la grandeur de la création. Notre univers a 15,5 milliards d'années-lumière de diamètre, mais ça, c'est rien qu'un univers et d'autres univers. Si le rôle de l'homme, c'est de retourner vers le centre source, vers Dieu, vers etc., nécessairement, son rôle est d'absorber toute la création complète, puis quand la création est absorbée, elle n'existe plus. Bon, pourquoi existe-t-on? Possiblement pour cela. C'est-à-dire que, présentement, on a connaissance de ce que nous sommes uniquement par l'expérience de ce que nous avons. Pourquoi? Parce que notre véhicule biologique n'est pas encore suffisamment évolué, réchauffé, structuré et solide pour recevoir de l'information directe de l'esprit. Ça vient. Bon, dans mon cas, ça vient bien, mais dans le cas d'autres, ça vient aussi, progressivement. C'est évident que si on essaie de répondre à la question en regardant le passé, on ne comprendra jamais rien. Pourquoi? Parce que l'humain était à un niveau très, très, très animal, et nécessairement, la compréhension qu'il avait était une compréhension très colorée, pour qu'il puisse accepter de rester sur le plan planétaire. Plus l'humain évolue, plus l'humain doit faire la transition entre la raison émotive pour aller vers la raison intelligente. Je n'aide plus le chien blessé parce que ça me touche, mais j'aide le chien blessé parce que c'est logique de l'aider. À un moment donné, je vais dire, je ne reste pas en vie parce que j'ai peur de la mort, ou parce que j'aime la vie, ou parce que Dieu m'a mis des inhibitions. Tu sais, on ne doit pas se suicider. Je reste en vie parce que j'ai une raison intelligente de vivre. Et bien souvent, la raison intelligente que j'aurai ou que vous aurez un jour, les autres ne la comprendront pas. C'est dans le genre, pas de raison. Bien évident. Mais ça, on ne leur explique pas non plus. Puis la journée qu'on meurt, on meurt avec le sourire. Ben, c'est évident que les autres, ils comprendront vraiment pas. On aura une raison intelligente. Une personne peut-elle se réincarner dans les deux sexes? J'ai déjà rencontré une fille et je suis sûr qu'on avait la même réincarnation. Serait-ce un tour de l'astral? Est-il bon de se côtoyer? Bon, se côtoyer, si ce n'est pas pour faire en sorte que vous allez retrouver des vieilles structures pour vivre dans la stagnation, ça ne dérange pas de se côtoyer. Mais comme l'âme sœur, normalement, c'est la personnalité planétaire qui réincarne le plus justement les mêmes mémoires que toi. Si t'es mon âme sœur, ça veut dire qu'on est pareil. Ça veut dire que j'ai du Mozart, t'as du Mozart, j'ai du Einstein, t'as du Einstein, j'ai du etc., t'as du etc. Et si on se réunit ensemble, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on est tellement complémentaires que notre évolution bloque net. On mourra, puis on se réincarnera, puis on se rencontrera pas, puis là, on pourra continuer à avancer. Pourquoi? Parce que toutes les peurs que j'ai, tu viens combler. Je n'ai plus peur. Je sais que, donc, je n'évolue plus non plus. Alors, l'âme sœur, c'est une chose que l'âme recherche. Sécurité, bloquer, rencontrer, fermer. Mais ce n'est pas une affaire que, mentalement ou intelligemment, on doit rencontrer. Sinon, on viendrait au monde carrément avec l'âme sœur, carrément chez nous. Bon, les mémoires masculines se réincarnent dans des corps masculins. Il n'y a pas de mémoire masculine assez folle pour s'incarner dans un corps féminin. Mais les mémoires féminines s'incarnent aussi dans un corps féminin. Pour la même raison, il n'y a pas de mémoire féminine assez folle, c'est quand même un corps de mâle. Par contre, les relations que j'ai avec les femmes sont des mémoires de relations hommes-femmes. Ça se réincarne, soit aussi bien dans un corps d'homme que dans un corps de femme. Si tu es une femme, par exemple, je suis un homme, et bien si on vit ensemble pendant longtemps, tout ce qu'on va vivre ensemble, on va le vivre, on va l'émotiviser ensemble, on va créer une mémoire expérientielle, une mémoire d'expérience de la vision mâle et femelle. Ça se réincarne dans un corps d'homme ou de femme. Fait que par la suite, si on se rencontre, on aura vraiment l'impression de s'être connu. Mais le corps masculin, bon, il faut faire attention, il y a beaucoup, beaucoup, et de plus en plus, il y a un androgyne qui se crée chez l'homme et chez la femme. Il y a énormément de choses qui se vivent chez l'homme, qui se vivent également chez la femme. Mais tout ce qui se vit chez l'homme, qui ne se vit pas chez la femme, en termes de mémoire, ne s'incarne pas chez une femme. Il n'y a aucune mémoire, par exemple, sexuelle du mâle qui va s'incarner chez une femme. Le corps de la femme n'est pas bâti pour être toujours à la course, pour rechercher les fesses des autres. Ça ne s'incarne pas là. La femme peut être instruite, à un moment donné, à avoir besoin énormément de sexe, mais elle n'aura jamais... Même si elle dit « je jouis comme un homme », elle n'est pas un homme. Elle ne jouit pas comme un homme. Elle ne sait vraiment pas ce que c'est. Puis le gars, lui, il est pogné avec ça, lui. Ah, lui, il est pogné en maudit avec ça. Puis, c'est ça, comme je le dis souvent, c'est facile. Vous avez juste à masser une femme pour qu'elle s'endorme, elle va dormir. Puis, mesdames, massez un homme pour qu'il s'endorme. Allez voir. Vous savez, vous le réveillez, oui. Donc, biologiquement, il y a une nuance qui fait que l'expérience, hein, d'accord avec ça? C'est pas. Et les mémoires typiquement masculines ne s'incarnent pas dans un corps de femme. Les mémoires typiquement masculines féminines ne s'incarnent pas dans un corps d'homme. Tout le reste au complet au niveau d'évolution, ça ne dérange pas. Est-ce que les deux peuvent s'être connus dans un monde antérieur, un dans un homme, l'autre dans une femme, puis ensuite se rencontrer plus tard, puis à cause de ça... Selon toi? Oui. Ben voilà. Faites comme lui, quand vous posez des questions, répondez-y des fois. Mon épouse et moi avons l'intention de devenir famille d'accueil pour personnes âgées. Est-ce que nous faisons une bonne chose? L'énergie que nous allons mettre là-dedans et celle que ces personnes vont prendre sera-t-elle nuisible pour notre évolution? Bon, étant donné que je ne suis pas un maître et que je ne donne pas de conseils, évidemment, je ne vous dirai pas si c'est bon ou pas bon. Ça peut être très bon, ça peut être très mauvais. Ça dépend des personnes âgées de les recevoir, puis ça dépend de vous. Vous ne devez pas, par contre, vous servir des personnes âgées pour évoluer. Par contre, vous pouvez en profiter vu qu'ils sont là. T'sais, mais c'est pas le but, c'est comme moi je vais avoir un enfant, l'enfant va me montrer la patience. Alors ça, fais-toi là-dessus, oui. Alors c'est la même chose les personnes âgées. La meilleure chose, c'est d'être sélectif dans les personnes qu'on veut avoir, pas parce qu'il y en a des moins bonnes puis des plus bonnes, parce qu'il y en a des plus en affinité que nous puis des moins en affinité que nous. Hein? Ça, c'est déjà une chose. Puis, ça peut être très intéressant. Ça peut être... il n'y a aucun problème. De toute façon, si vous le faites, c'est parce que c'est correct. L'incinération immédiate après la mort peut-elle affecter le corps éthérique et ainsi s'avérer nuisible à notre prochaine réincarnation? Étant donné que le corps physique de l'homme et que le corps vital de l'homme est extrêmement plus évolué qu'avant, non. Dans l'Antiquité, on brûlait les sorcières, les sorciers vifs. Pourquoi? Parce que brûlant le corps physique vivant, on détruisait le corps vital, ce qui faisait que la création du fantôme était impossible. Les mémoires expérientielles, donc les mémoires de l'âme, les mémoires de vie, étaient immédiatement dilapidées dans le plan moronciel, gagnaient le monde de la mort, puis on n'en entendait plus parler. C'est pourquoi on brûlait vivant. Maintenant, le corps physique est tellement... évolué aujourd'hui, le corps vital est tellement évolué aussi que lorsque le corps physique meurt, immédiatement l'âme, le corps vital, se détache du corps physique et monte quasiment tout de suite. Il y a eu un temps où ça prenait jusqu'à 2 semaines avant que ça se détache. Traditionnellement, donc depuis quelques 2-3 000 ans, on s'entend sur 3 jours à peu près. Donc, avant d'enterrer une personne, on attendait que l'âme se détache, d'où l'idée de l'exposition. On la conservait un certain laps de temps, pour permettre à l'âme de se détacher. L'incinération, c'était la même chose. On la conservait un laps de temps, parce que si on la brûlait trop rapidement, son expérience était totalement dilapidée, et c'est l'expérience, même l'énergie mémorielle, l'énergie vitale, maintenant l'expérience, ne pouvait gagner le monde de la mort formé, l'expérience de l'individu était quasiment perdue. Par contre, plus les corps physiques et les corps vitaux ont évolué, plus rapide se fait le détachement, ce qui fait que ça ne dérange pas. Quand un individu, par exemple, meurt dans un incendie, à 99%, il meurt asphyxié, il meurt pas brûlé. L'âme a le temps de s'en aller, de se décoller, et étant donné que l'incendie réchauffe énormément toute l'atmosphère, il y a un taux vibratoire assez élevé, l'âme se détache quasiment instantanément. Il n'y a même pas de problème à ce niveau-là. Alors, l'incinération après la mort ne se dérange plus tellement aujourd'hui, il n'y a pas de problématique là-dessus, parce que les corps vitaux sont trop évolués, ils décollent tout de suite. Est-ce que le double éthérique est tributaire du corps mental ou l'inverse? C'est l'inverse. Le corps mental, c'est lui qui est relié au double éthérique, et le troisième cerveau, qui est le cerveau de l'intelligence, qui est le double éthérique, qui va permettre à lui-même, à un moment donné, d'avoir une bilocation de conscience, c'est-à-dire d'avoir une conscience expérientielle planétaire, parce que l'hémisphère droit est... l'hémisphère gauche, cartésien et intuitif, planétaire, avec un contact avec un cerveau qui est différent, qui reçoit de l'information extra-planétaire plutôt que directement reliée au phénomène planétaire, eh bien, l'individu aura un cerveau, un troisième cerveau, qui va développer le corps mental à une apothéose. Présentement, les individus ont un mental qui est naissant, l'intellect. Lorsque le mental, l'intellect commence à être suffisamment énergisé, c'est un mental réel qui commence à apparaître. Ce mental-là, progressivement, va être sous l'égide de l'intelligence supramentale, donc du double éthérique, et ce mental va lentement se transformer pour devenir un mental capable de reconnaître l'incidence de l'homme dans l'évolution supramentale. Cela veut dire qu'un mental qui se développe convenablement accepte la présence de l'homme dans l'évolution supramentale. Cela fait en sorte qu'on se retrouve avec de l'intelligence qui a du cœur. Tandis que lorsque c'est uniquement de l'hypermentalisme que l'on fait, donc un intellect qui se développe, mais il n'y a pas de mentalisation, la nuance, l'intellect refuse totalement l'intuition. Les motifs intuitifs refusent totalement la logique. Le mental, relié au plan supramental, accepte l'intuition et accepte la logique. L'hypermental, lui, va avoir une intelligence apparente, ce n'est pas de l'intelligence, ça reste de l'intellectuance, c'est-à-dire que c'est relié à ses mémoires, et normalement, par la logique, ça refuse totalement l'intuition, et parce que par la logique, on ne peut pas analyser l'émotion, ou le sentiment, qui chez l'humain devient de l'amour, mais qui le sentiment est un peu plus pur, parce qu'il ne peut pas l'analyser, il le bénit, alors que certaines formes disons, de sentiments, tu peux les connaître uniquement par intuition. Lorsque le mental, lorsque ça ne fonctionne pas, on a un intellect, donc certains appellent ça d'intelligence, là, mais on a une intellectuance neutre. Si tu n'as pas d'intelligence, tu vas développer de l'amour, et dans cet amour, à un moment donné, tu vas essayer d'implanter de la logique. Ça, c'est la copie à l'inverse de ce qui se passe en haut. C'est la copie dans le miroir, c'est inversé. Alors, tu vas essayer de développer un amour qui a de l'intelligence, un amour intelligent. Alors que normalement, l'être humain qui se conscientise devra développer, lui, une intelligence qui a du cœur. C'est totalement différent, parce que l'amour qui devient intelligent, l'intelligence risque d'être assujettie à la préservation de l'amour. Donc, il y a toujours des dangers de haine, ou minimum des dangers de te faire totalement manipuler puis ramasser uniquement par le concept de l'amour. Si tu développes l'intelligence en premier, pendant un laps de temps, tu parais totalement sans cœur, question d'ajustement. Par la suite, tu vas avoir une intelligence qui a du cœur, ce qui va faire en sorte que tu seras capable d'aimer celui qui t'attaque. Mais de te défendre. Puis d'aimer celui qui vient pour te tuer, puis de le tuer. Puis tu l'aimes pareil. Tu n'as pas besoin de l'haïr. C'est logique. Tu l'aimes toujours. Puis tu n'haïs pas la race, tu n'haïs pas sa famille, tu n'haïs pas ceux qui ont le même uniforme, ça n'a rien à voir. Alors que si tu as un amour qui a de l'intelligence, tu te feras tuer. Mais là, c'est pas brillant. Pourquoi? Parce que celui qui contient le corps et l'âme la plus évoluée, ben, c'est toujours celui qui meurt en premier, puis c'est les imbéciles qui restent à la planète pour procréer. Là, toi, il faut que tu réincarnes d'un corps qui vont te donner. Il faut que tu recommences le même procédé, la même alchimisation, cellularisation. Alors, on doit développer, puis c'est ce qui arrive au niveau de la mentalisation à un moment donné. L'individu finit par avoir une intelligence qui est capable d'accepter le phénomène de l'humain. Peut-on effacer les mémoires du passé en se reprogrammant? Ben c'est uniquement ce que l'homme fait. Quelle est la signification du sigle sur votre livre de la naissance à la mort? C'est un cercle. C'est un sigle sur le livre? Ah oui. Pourquoi tu ne l'as pas vu? C'est peut-être une faute de frappe. Là. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait ce sigle-là. Je me suis dit, ce serait intéressant qu'il y ait quelque chose ici pour boucher le trou. C'est plus esthétique. Alors, j'ai dit, je vais faire un signe. Alors, j'ai fait un signe. Après ça, je me suis dit, les gens vont me demander qu'est-ce que ça veut dire. Alors, j'ai trouvé la signification après. Voilà. Parce que les personnes, ils cherchent les significations, ça leur prend un an ou deux, tu sais. Et moi, je suis heureux. Alors, le signe ici, c'est extrêmement facile. On voit une barre avec un X et un cercle. En réalité, c'est pas ça qu'il y a. Bon. Il y a une flèche qui part de là, qui s'en vient par ici. Alors, il y a une flèche, hein, vous verrez tout à l'heure. Il y a une flèche qui part de l'autre sens, qui rejoint la première flèche en plein centre. Psychologie transtemporelle, c'est le passé qui rejoint l'avenir. En plein centre, le présent. Et le cercle, ben, c'est la cible. On doit viser le présent au niveau des phénomènes temporels. Hein? Ça savais-tu tantôt? Ah oh, ben ça, ça me regarde. En tout cas, elle est bonne. C'est ça. Est-ce qu'on peut attirer une mémoire incarnationnelle en particulier et profiter de son savoir, et comment? Oui. Comment? On peut se référer à une conférence que j'ai déjà fait là-dessus. Hein? Premièrement, l'onde de forme, c'est-à-dire que celui qui évolue doit conserver certaines choses à l'idée. Se réincarner régulièrement, inutilement, enfin c'est utile, mais sans jamais savoir qui on est, pourquoi on est là, puis d'où on vient, puis qu'est-ce qu'on a fait. Après ça, apparemment qu'on a un karma à payer, hein, qu'on ne sait même pas ce qu'on a fait pour le payer. C'est très intéressant. On doit s'arranger pour immédiatement conserver dans notre conscience qu'on doit échelonner notre, certains appellent ça notre salut, là, sur 2, 3, 4 ou 500 ans. Pas sur les 20 ou 30 ou 50 ou 60 années qui nous restent à vivre. Sur 500 ans, 600 ans, 1000 ans, si vous voulez. De toute façon, ça fait déjà des milliers d'années qu'on vit, puis autant de continuer. L'avantage que ça fait qu'automatiquement, on devient beaucoup plus patient. Donc, on devient beaucoup plus tolérant. Parce que les jeunes ne s'en rendent pas compte. Ah, oh, ben j'ai le temps. Mais rendu un cap des 40, 50 ans, commence à dire, oui, mais là, finalement, là c'est comme si, là, ça vaut même pas la peine de continuer, c'est une perte de terrain. Puis, les jeunes qui se disent, oui, mais j'ai quand même du temps, mais sachez que vous allez voir, vous allez en perdre du temps maudit. Quand vous allez commencer à vous réveiller, là, vous allez encore passer un cap qui est faux. Okay? C'est une erreur, c'est un piège, c'est un mensonge. Sauf que l'individu qui commence à être patient, puis qui est plus tolérant, il cesse de se culpabiliser. Il cesse de se culpabiliser tout en sachant que certaines choses qui est fait par son corps, est inintelligent, mais il tolère. Nécessairement devenant patient, il cesse de consommer son énergie par l'impatience. Plus on est patient, plus ça va vite. Plus on est impatient, plus ça prend du temps. En plus, l'individu qui devient patient devient plus tolérant. C'est comme être patient avec les enfants. Ben, au lieu de bûcher dedans, on finit par avoir une relation en classe. Puis quand on a une relation de communication, bien souvent, le problème tombe seul. Pas ce qu'on voulait faire, mais c'est ça que ça donne. Tant qu'on bûche pour les éduquer, s'ils sont affluents moindrement, on grossit le problème. Si on devient tolérant, ben nécessairement, on se sent moins coupable. Se sentant moins coupable, l'énergie qu'on a dans l'intelligentiation, on ne la consomme plus en culpabilité puis en honte. Et nécessairement, encore une fois, on va encore plus vite. Alors, ce que la personne doit faire, c'est s'arranger pour évoluer sur 2, 3, 400 années. Et le double éthérique se crée très, très rapidement. On peut tous, de toute façon, la majorité ici, vous avez commencé à en avoir un. C'est ce qui fait que l'humanité peut évoluer maintenant qu'il y a quelques années. Ça commence à se créer, ça se réincarne un peu. C'est très facile à créer. On n'a rien qu'à être un égoïque, puis à un moment donné, bon, on pourra revenir sur ce phénomène. Attirer des mémoires réincarnationnelles qui peuvent nous aider, on en a déjà parlé aussi. Celui qui doit se réincarner dans ce qu'il y a de mieux. Si vous avez à vous réincarner de votre double éthérique, mais petit, ben, j'imagine que vous allez préférer être réincarné entouré de mémoires en affinité avec vous. Donc, autant s'arranger pour se réincarner avec les meilleures mémoires. Les meilleures mémoires, qu'est-ce que ça fait? C'est que ces meilleures mémoires-là se développent immédiatement. Ça, c'est préparer sa prochaine réincarnation. Et ça va répondre aussi à la question. Tant qu'à me réincarner, j'aime autant me réincarner dans des individus, dans une famille qui est suffisamment aristocrate, qui a un nombre de formes convenables, qui a suffisamment de liberté matérielle, qui n'est pas orgueilleuse, qui est capable de travailler avec l'humain sans être pauvre pour autant. Parce que tous ceux qui aident l'humain doivent être pauvres. Hein? Quand tu es riche, ah, il fait de l'argent les uns les autres. Alors, on s'arrange donc dans cette vie-ci pour essayer d'aller chercher immédiatement une attitude psychologique en affinité avec cela. Donc, on s'arrange déjà pour être aristocrate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un paquet de mots de notre vocabulaire qui doivent tomber. Si on parle l'anglais, on ne parle pas l'anglais. Si on parle le français, on ne parle pas le franglais. Bon. On cesse d'insulter, on cesse de toujours être en train de juger. Perte de temps. Puis un aristocrate, je ne parle pas des aristocrates débiles, je parle d'une aristocratie nouvelle, planétaire. Alors, on travaille avec cela. Donc, on s'habille en fonction de ce que nous sommes, pas en fonction de la mode, en fonction de ce qu'on est, en fonction de ce qui nous plaît. Les animaux humains vont trouver que vous n'êtes pas à la mode. Les aristocrates vont trouver que vous avez un nombre de formes qui plaît, une image. C'est que par malheur français, disons un look. Bon. Pour réincarner des mémoires, des personnalités réincarnationnelles qui nous aident, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit faire comme un de mes amis a fait. Lorsqu'il faisait de la peinture, bien, il s'habillait en Picasso. Puis immédiatement, il y avait de l'inspiration, puis fonctionnait. Sauf que l'artiste fonctionne mal en affaires. Lorsqu'il sort de sa pièce, il doit ôter son habit, puis s'habiller en homme d'affaires. Puis maintenant, ça fonctionnait. Progressivement, tu réincarnes des mémoires en affinité avec ce que tu veux devenir, du point de vue psychologique. Autrement dit, votre esprit a besoin, pour s'exprimer dans la vie, d'une âme capable d'interpréter le contact de l'intelligence en fonction des capacités que votre corps physique de l'exprimer. Plus vite vous voulez évoluer, plus vite vous devez travailler le logiciel d'intercommunication, l'âme. Plus on est capable d'aller chercher des mémoires réincarnationnelles en affinité avec l'expression d'intelligence, bien, plus vite on améliore le logiciel. Donc, on a intérêt effectivement à travailler l'onde de forme orale, mentale, l'attitude, comme l'onde de forme physique. Ça ne veut pas dire de s'acheter 25 vestons, ça veut dire d'en acheter un seul, quel que soit le prix, mais qui nous va bien, qu'on porte convenablement. Tu sais, il y a des individus qui mettent une cravate, puis ils détachent leur chemise, puis toujours ils vachent là. C'est bien même pas en mettre. Tu as l'air plus imbécile avec une cravate tout croche que pas de cravate du tout. Moi, je peux comprendre que tu n'aimes pas ça, mais que tu fasses semblant d'en mettre une, c'est un problème. Bon, aïe. On doit porter, pas au niveau de la mode. Bon, les souliers, c'est des souliers qui te vont, qui te plaisent, qui font du vent avec tes pieds. C'est pas une question de mode. L'aristocratie planétaire, qu'est-ce que c'est l'élégance? L'élégance, là, c'est quand ça te va. La mode, c'est quand ça va tout le monde. L'aristocrate, c'est pas la mode. Puis c'est pas de l'élégance dans le sens, comment vous aimez... t'es un imbécile, encore une fois. T'es pas un aristocrate planétaire, t'es une mémoire d'aristocrate. Moi, je te parle de devenir quelque chose d'autre. Nécessairement, ça change cela et ça fait en sorte que tu t'allies en expérience mémorielle à des entités que lorsque tu vas te réincarner, si il y a une grande partie de toi qui se rappelle de ce que tu étais parce que tu as créé un double éthérique par une égoïsation, on pourrait revenir, mais nécessairement, tu es entouré déjà de quelque chose qui va avec ce que tu es. Est-il vrai qu'on peut se faire voler son double éthérique? Voler. Est-il vrai qu'on peut perdre son double éthérique? Puis là, vu qu'il est perdu, ben c'est mal. Aux mains de quelqu'un d'autre. Ouais. Non. C'est faux. Hein? C'est intéressant. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que la partie, comme tout à l'heure, j'expliquais, pourquoi c'est vrai et c'est faux en même temps, les paradoxes, ça me plaît, les paradoxes. On a notre ego ici qui évolue, l'âme, etc. Et puis, il y a une petite partie ici qui est en train d'avancer vers l'intelligence. Celle-là, ici, se crée le double éthérique. Puis le reste, la gang de cave ici, là, ils se disent, crime, ça y est, je me suis fait voler mon double éthérique. Oui. Mais ce sont les parties qui ne peuvent pas être éthérisables. Donc, votre colère, votre peur, votre honte, un jour, va dire, ça y est, je me suis fait encore fourrer, on m'a volé mon double éthérique. Bon, oui, mais tu avais juste à changer, puis bon, mais bref, non. Vous, le lucide, vous ne pouvez jamais vous faire voler votre double éthérique. Ça ne vous arrivera pas. Tout le reste, oui. À moins, évidemment, qu'il décide de changer de camp. Mais s'il change de camp, il va suivre l'intelligence. Ce ne sera plus de la colère. Comme j'expliquais souvent à un moment donné quand je fais des conférences à l'école, on a des enfants qui sont battus. La majorité, ce sont des parents qui veulent dire à leurs enfants « Je t'aime ». N'étant pas capable, qu'est-ce qu'ils disent? « Si tu n'existerais pas aussi, je ne serais pas pogné de même. » Bang! Alors, ils battent leurs enfants, mais ils les aiment. Après ça, ils se culpabilisent, ils ont honte, etc. Change de camp. Ça veut dire qu'à un moment donné, la langue, il faudra que tu puisses le dire, puis toutes tes inhibitions finissent par te libérer. Passe dans l'autre camp. Ça gagne le double éthérique. Tout le reste qu'on fait ne le gagne pas. Par contre, l'humain, avant de parler de double éthérique, doit aussi se créer un lecteur de disquette. Hein? C'est facile de dire, ben, ça veut dire que toutes les parties pacifiques vont dans un double éthérique. Non. Parce que les parties pacifiques sont pacifiques par tradition. Parce qu'on te bûchait dedans pour que tu cesses d'être colérique. Parce qu'on te fait peur moralement ou théologiquement. Parce que traditionnellement, ça fait partie de la mémoire. Et ça ne connaît pas le neuf, donc quand ça meurt, ça gagne le monde de la mort parce qu'il y a des anges, il y a un paquet de phénomènes qui vient les chercher, et ça ne voit pas la lumière plus puissante du double éthérique. Ça ne connaît pas le neuf. On doit travailler pour aller chercher des visions neuves des choses, et là, progressivement, le double de lumière, le double éthérique, va devenir quelque chose de beaucoup plus concret, qui va permettre aussi à l'humain de se répondre à ses questions. Il y a plusieurs phénomènes extrêmement intéressants qui vont paraître. Puis là, si l'individu perd le corps physique, vous ne gagnerez pas le monde de la mort. Vous êtes immortel. Le corps, on s'en fout pour l'instant. Hein? Devenir un être immortel, c'est pas un corps physique. Parce que même dans le corps physique, vous n'êtes pas immortel. Vous changez d'année après année. Vous n'êtes pas les mêmes. C'est pas être immortel, ça. Lorsque l'humain n'est plus un mortel, on ne parle pas nécessairement du corps. Plus tard, lorsqu'il aura une fusion entre son double éthérique et le corps de chair, il y aura un corps de lumière, le corps sera immortel, ça veut dire qu'il ne sera même pas vivant. On forme un double éthérique, qu'on se réincarne. Est-ce qu'on va être parfait? Choisit-on ses parents? Parfait ou parfaite? Parfait. Bon, on forme un double éthérique, on se réincarne, est-ce qu'on va être parfait? Vous savez une chose, vous êtes parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce verre ici, il est aussi parfait qu'il peut l'être. C'est pas un jeu de mots. C'est un fait. Qu'est-ce que c'est être parfait? Mais moi, je trouve que pour être parfait, il aura fallu qu'il y ait un diamant après. Ah! Donc, la perfection maintenant assujettie au point de vue. Est-ce qu'on va être parfait? Vous êtes parfait présentement, vous êtes aussi parfait que vous pouvez l'être, puis dans 2000 ans, vous serez aussi parfait que vous pourrez l'être. Ça sert à quoi de toujours vouloir se trouver de l'imperfection? Moi, je fais un meuble, le meuble n'est pas parfait, il y a un tiroir en trop. Oui, mais donne-le à quelqu'un qui a besoin de la quantité de tiroir, va dire, ah, il est parfait. Mais c'est ça. Alors, on passe notre vie, une partie du moins psychologiquement, à essayer de lutter pour... On doit devenir... accomplir l'intelligence. Bon, pas la perfection du point de vue d'un stéréotype ou d'un archétype. Si je n'ai pas besoin, moi, de savoir opérer les animaux, je suis parfait, même si je ne sais pas opérer les animaux. Si je ne parle pas l'espagnol, suis-je parfait? Mais j'aurais jamais besoin de parler l'espagnol. Donc, je suis parfait. Pour ce que j'ai besoin d'être, je suis parfait. Bon, et quel arbre est parfait sur la planète? Celui qui rencontre l'utilité qu'on en a ou que la planète en a. Alors, on sera aussi parfait qu'on l'est présentement, mais on ne souffrira plus. Ah, ben, on n'est plus parfait. Non, présentement, si vous ne souffririez pas, si vous seriez tous millionnaires, vous ne seriez même pas ici pour les m'entendre. Puis vous ne seriez nulle part pour évoluer. Dans la majorité des cas, raison émotive et non pas raison intelligente. Mais lorsqu'on a une raison intelligente d'avancer, là, maintenant, on peut commencer à cesser de souffrir. Parce qu'il n'y a plus de danger. Quand on a une raison intelligente d'avancer, maintenant, on peut commencer à être riche. Plus de danger. Là, il faut qu'on traverse dans l'autre cas. Ne peut-on pas souffrir d'avoir à réapprendre ce qu'on a déjà appris quand nous prenons conscience que nous sommes réincarnés unitairement? Bon, réapprendre pas. Si vous vous réincarnez unitairement, mettons dans un corps d'endogène, vous allez traumatiser tout le monde autour de vous, mais vous ne réapprendrez pas, vous allez enseigner. Ou bien non, vous allez vous taire, mais vous ne souffrirez pas. Ceux qui ont un double éthérique terminé, où vont-ils? Mais présentement, il n'y en a pas. Quels sont les endroits? Il n'y en a pas. Quelles sont leurs évolutions? Il y en a qui sont proches en tabarouette. Mais barouette aussi. Très, très, très proche. C'est parce que quand le double éthérique est totalement fini, le double éthérique maintenant se rapproche du corps physique et là, ça va créer une fusion. Le Nazaréen, c'est ce qu'il a vécu. Non. Bon. Lazare, le prochain, puis après ça, d'autres qui sont assez proches du plan planétaire, même du Québec. Ça s'en vient. Quand on dit tout proche de leur fusion, ça peut être en quelques mois ou en quelques années, mais quand même. Alors, le double éthérique, lorsqu'il est totalement finalisé, l'âme à l'intérieur ici n'a plus de mémoire expérientielle planétaire, c'est donc une âme pure. Le double éthérique descend, fusionne. Il va énergiser le corps physique, en faire un corps de lumière. Alors, j'appelle ça, moi, éthérifié. Ça terrifie les autres. Et puis, où il va après, eh bien, on pourra en parler, mais c'est pas assez pratique présentement. Qu'est-ce qu'une aura éthérique et astrale? Est-ce qu'elle est divisée en deux? Bon, l'aura astrale, c'est l'énergie électromagnétique qui est dégagée par les mémoires qui sont colorées par la psychologie. Donc, c'est une aura qui est colorée, qui a des couleurs. Et l'aura, elle n'a pas de limite. Hein? C'est une longueur d'onde, un rayonnement. Ça va jusqu'à l'infini. Mais souvent, le voyant, elle dit qu'il y a une limite. On voit la fin du corps astral. C'est la limite de ce qu'il peut voir. Bon. L'aura éthérique, on parle d'éthérique vital. Donc, éthérique planétaire, c'est le corps vital. L'aura éthérique, normalement, tout le monde peut l'avoir facilement. De temps en temps, en similaire, quand on en parle, ça prend 15 minutes, tout le monde voit l'aura. C'est qu'est-elle, l'aura éthérique. Alors, c'est un petit halo qui est bleuté, grisâtre, qui entoure la matière, qui entoure tout ce qui existe au niveau matériel, qui maintient la mémoire formique, qui maintient la forme. C'est un halo énergétique qui provient d'un rayonnement d'énergie qui est subatomique. Alors, c'est relativement facile à voir, quand on ne regarde pas la chose, évidemment. Quand on regarde un peu à côté, puis que le focus ne se fait pas en arrière, mais se fait à côté de la chose, alors on voit l'aura éthérique. L'aura éthérique, c'est donc cela. Plus c'est petit, plus l'individu est fatigué ou malade. Tandis que l'aura astrale, bien là, c'est l'expression beaucoup plus encore corporelle, mais de la mécanique mémorielle psychologique. Je répète encore une fois que ça ne sert à rien d'apprendre à voir l'aura, pour la simple raison qu'on l'interprète. Alors, ton aura, elle est rouge, donc tu es colérique. Sauf que si mon aura est verte et que la sienne est jaune, bien, la couleur que je vais voir entre les deux, ça va donner une couleur qui ne sera pas, absolument pas ni la sienne ni la mienne. Alors, pour voir l'aura et s'en servir, il faut qu'on ait un aura translucide totalement pur. Puis quand on a un aura translucide totalement pur, on n'a plus rien à faire à voir l'aura des autres. Est-ce possible qu'un esprit se réincarne dans un corps de bébé et que ce même esprit refuse de revivre toutes les étapes de l'enfance et qu'alors cet enfant soit un adulte dès sa naissance? Ainsi, cet enfant ne joue pas, n'aime aucun jeu et n'aime que la présence d'adultes afin de discuter, d'apprendre, de comprendre. Non, ça c'est un enfant téflon. Ici, on a la définition d'un enfant téflon qui a un développement psychologique précoce en très bas âge. S'il a 6 ans, il a 10, 11 ans psychologiquement. Donc, normalement, il recherche la présence de plus âgés que son corps physique. Il a de l'intelligence. Il est capable d'apprendre sans avoir appris. Ce n'est pas de l'intellectuance. Donc, nécessairement, il a les symptômes qu'on a ici. Lorsqu'un esprit s'incarne purement dans un corps d'enfant, normalement, il va laisser l'enfant atteindre l'adolescence pour pouvoir par la suite commencer à être fonctionnel chez lui, comme dans le cas du Nazaréen. Tandis que l'enfant ici qu'on définit est un enfant à caractère teflon, donc il colle mal sur la tradition, ou la tradition colle mal sur lui. C'est un enfant qui a quatre paramètres fondamentaux: développement psychologique précoce, presque non-culpabilité, donc il ne souffrera pas d'être seul, d'ailleurs il aime être seul, il est intelligent et il a une puissance psychologique, ce qui fait que bien souvent on a l'impression que c'est un adulte déguisé dans un corps d'enfant. C'est un enfant teflon, c'est bien correct. Comment demeurer continuellement conscient, même durant le sommeil? Comment demeurer conscient durant le sommeil en faisant des voyages astraux? C'est ça. Sauf que, est-ce que c'est utile pour tout le monde de demeurer conscient dans le sommeil? La question que l'humain devrait toujours se poser en premier, c'est comment demeurer conscient dans le sommeil? Après ça, est-ce important que je demeure conscient dans le sommeil? Il va répondre oui. Est-ce que c'est la priorité présentement dans mon changement? Alors, est-ce que je suis totalement conscient dans l'éveil? Tu veux une bonne question? Bon. Si je ne suis pas totalement conscient dans l'éveil, ben merde, avant de commencer à être conscient dans le sommeil, je vais arranger les choses un peu. Après ça, dans ma conscience dans l'éveil, est-ce que je suis heureux chaque fois que je suis conscient dans l'éveil? On doit évoluer là-dedans, là, pour commencer. Le sommeil, c'est un petit repos, c'est un petit... Bon, c'est sûr qu'en faisant des voyages astrales, on peut aller chercher une forme d'information intéressante. Mais tant qu'à poser des questions, quelqu'un qui fait un voyage astral, ça va bien, tant mieux. Bon, mais celui qui n'en fait pas et qui veut être conscient dans son sommeil, c'est sûr que c'est utile, parce que tu te fais royalement pilonner pendant ton sommeil. On ne devrait même pas dormir. Sauf que si on ne dort pas, si le corps physique en a besoin, il faut qu'il se débarrasse de l'âme un bout de temps. C'est la prochaine question. Combien d'heures faut-il rester sans dormir pour briser l'ego? Premièrement, il faut avoir un ego prêt, donc un anti-homme prêt à être brisé. Et puis, par la suite, il faut être capable, consciemment, de connaître, de sentir suffisamment la mécanique pour le rejeter. Puis après ça, on reste un certain nombre de jours sans dormir, de façon à ce qu'il ne rentre plus. Mais quelqu'un qui se dit, bon, ben moi, je vais me fatiguer au bout jusqu'à temps qu'il sorte, il va sortir, le corps va tomber. Hein? Là, il va se réveiller deux jours après, le corps va être revenu. Je connais une personne qui a fait ça, moi, elle dormait tellement mal, elle était toujours fatiguée le matin. Il y a un médecin qui a prescrit des médicaments. Trois petites pelules, puis il s'est couché, il a dormi, mon ami. Ah! Le même matin, il s'est levé. Oh! Oh, merveille! Il rentre au travail, puis il dit à son patron, je me sens comme jamais. Je me suis levé en forme un matin. Le patron, il dit, c'est au bout, mais t'étais où ces trois derniers jours? C'est ce qui va arriver, à un moment donné, la personne qui veut faire son initiation, elle va perdre les morceaux de sa vie, tu sais. Si le corps meurt, est-ce que la conscience demeure consciente, style de ne pas passer dans un tunnel noir, et ou attendre les lumières du monde de la mort afin de rencontrer notre double éthérique? Non, s'il y a la mort du corps physique et qu'il y a un double éthérique, toutes les mémoires de votre âme gagnent le plan moroncial, le plan de transition. Si vous êtes en arrêt cardiaque, on vous réanime, vous pouvez revenir. Si vous gagnez le monde de la mort, on ne peut pas vous réanimer. Et là, il voit le canal, bon, plusieurs phénomènes du genre qui sont moronciels, qui sont d'énergie vitale. Et il se dirige lentement vers eux, mais il y aura une lumière tellement plus puissante qu'il va l'attirer, qu'il double dirait que c'est un double suffisamment constitué, puis il n'y a rien à faire. Toute la tradition va venir chercher l'individu. Les parties traditionnelles encore vont décoller pour gagner le monde de la mort, puis l'individu conscient se dirigera son double éthérique. Il est immortel, et il se réincarnera aussi unitairement. La disquette ne peut pas être à la fois l'âme et le double qui, lui, n'a pas de mémoire. Quelqu'un qui se réincarne unitairement ne devrait-il pas ne plus avoir d'ego, donc de mémoire? Non, il a encore de la mémoire, sauf que sa mémoire, elle est pure, c'est-à-dire que ce qui va se réincarner est en contact, est totalement dirigé par le double éthérique. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la mémoire. Pourquoi peut-on soudainement réincarner unitairement ses mémoires et la disquette, le disque pour les gros égos? Est-ce le double ou l'âme? L'âme pure, la mémoire, c'est l'information sur la disquette. Le double éthérique, c'est l'objet, la disquette. Là, on pourrait revenir à un moment donné, là, on a plus de temps, mais... La semaine prochaine, c'est quoi le titre? La semaine prochaine, c'est « S'aimer sans tomber en amour ». Ça se tient au Holiday Inn Richelieu, à Montréal. Même heure, même poste. Bonne semaine à tous, c'est tout. C'est mieux que son texte, hein? Bonne semaine.